Chapitre 10e. Question d'argent. À Naples, cependant, vers minuit, Armand était réveillé par le maître d'hôtel. « Signor, lui dit celui-ci, voici une lettre pour vous que m'a remise un commissionnaire. Merci, dit Armand, et il lut. Le fulminante a l'honneur de vous prévenir qu'il vient d'enlever votre oncle. Avec lui, une autre personne, sur l'identité de laquelle il n'a pas à s'expliquer. Ayez l'assurance de ma haute considération, fulminante. » Armand, aussitôt après avoir lu cette lettre, courut pour réveiller le sculpteur et son ami, mais il les trouva debout. « Messieurs, voyez ce qui m'arrive !» Et il montra sa lettre. « Je pense, dit-il, que vous pourrez m'être utile, connaissant le fulminante. » Madeo secoua la tête et tendit à son tour une lettre ainsi conçue. « Monsieur, j'apprends que vous croyez avoir fait mon buste et crayonné mon portrait. C'est une erreur. Un petit chef de bande s'est donné le plaisir de se faire passer pour moi. » C'était un certain Servio qui devait mal finir, étant fanfaron et impudent. Je dis c'était. Vous devez comprendre que le drôle méritait une corde et une potence. Les rieurs ne seront pas de son côté, mais du vôtre. Il est châtié de sa plaisanterie. Je vous prierai, monsieur, de détruire le buste et le portrait sur le champ. Si un seul exemplaire en était vendu, je serais forcé de protester en vous tuant, ce qui serait fâcheux, car vous avez beaucoup de talent. Personne ne m'a jamais vu en dehors de mes 12 amis. Et je ne veux pas qu'un faux portrait de moi court le monde. Agrée, monsieur, l'assurance de ma haute considération, le fulminante. » Le sculpteur dit à Armand quand il eut terminé. « Vous me voyez très inquiet. Il faut que je me hâte demain matin de télégraphier à Rome et dans toutes les villes, car on a déjà expédié des photographies du fulminante d'après le buste que j'en avais fait. Je suis tout à votre disposition, mais je doute que ma recommandation ait quelque valeur. » Armand comprit parfaitement que de ce côté, il n'y avait rien à espérer. Cependant, Madeo lui dit, « Nous connaissons Naples, nous vous sommes tous deux très sympathiques, utilisez-nous. »« Que dois-je faire ?» demanda Armand. « Payez la rançon. Si par hasard, vous n'avez pas ici les crédits nécessaires pour réunir la somme, nous avons bien nous deux 40 ou 50 000 francs à vous prêter. » Armand fut touché de cette offre. « Messieurs, dit-il, vous êtes de francs cœurs d'artistes, merci mille fois. Si besoin était, j'aurai recours à vous, mais remarquez qu'il n'est pas question d'argent dans la lettre et que le fulminante n'en dit mot. Demain peut-être, entama-t-il la négociation, il vous fixera somme et délai. S'il allait avoir enlevé mon oncle à cause de la Zinzinetta, fit Armand. Peut-être le fulminante aime-t-il cette fille et en est-il jaloux? Voilà qui est peu probable, dit Madeo. En somme, la petite est prisonnière aussi, fit observer Carlo. Somme toute, malheur d'argent n'est pas mortel. Tout se résumera par une rançon. Oh, certainement, c'est la coutume. Et j'aurai droit de faire des remontrances à mon oncle. Ça ne saurait se payer trop cher. Je crois, n'est-ce pas, fièrement, qu'il serait absurde de prévenir l'autorité. Elle est impuissante. Oh, radicalement. Messieurs, bonsoir. Demain, quand ma sœur sera levée, je lui apprendrai doucement la vérité. Et il serra vigoureusement les mains des deux jeunes gens. Fernand fut instruit de l'accident avec tous les ménagements possibles. Elle pleura beaucoup, mais quand on lui dit que ce n'était qu'une question d'argent, elle se consola vite. Une lettre de M. Le Noël vint rassurer les jeunes gens. Elle expliquait son enlèvement, son voyage, sa captivité dans une grotte. Bien entendu, elle ne disait mot ni de la direction ni de la situation du souterrain. M. Le Noël se contentait d'affirmer qu'il se portait bien et il insistait beaucoup pour que l'on ne fût pas inquiet de lui. Il ne disait à propos des exigences de fulminante que peu de choses. « On a, écrivait-il, des intentions sur mon compte. Je m'en expliquerai, paraît-il, dans une quinzaine de jours avec le fulminante. » Un peu plus tard, autre lettre. Elle venait du chef de la montagne lui-même et portait en substance que dans une quinzaine de jours, il ferait savoir ce qu'il aurait décidé. Depuis, tous les matins, on reçut de M. Le Noël une lettre qui annonçait chez le prisonnier beaucoup de gaieté et de tranquillité d'âme. Armand, qui connaissait à fond le caractère du bonhomme, crut à la vérité de ses lettres. « Ne craignez-vous pas, demanda un jour Fernande, que M. Le Noël soit contraint de nous écrire ainsi, on le menace peut-être. »« Sûrement non, dit Armand. Les lettres portent bien le cachet d'un esprit libre, il n'y a aucune pression. »« Je m'inquiète, disait Fernande, de ce que le fulminante ne fait pas demander cette rançon, pourquoi tarder ?» « Ce chef des montagnes a fort à faire, » répondit Armand. « Il est, dit-on, placé dans l'état, et il mène de front deux existences. Probablement n'a-t-il pas encore eu le temps d'aller rendre visite à votre tuteur. » et le temps passait ainsi,